Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2. Gaumet du Pré 1861. Question 5. Du moyen d'arriver à la béatitude. Possibilité d'arriver à la béatitude, suivant divers degrés, non ici-bas, mais au ciel. Inadmissibilité de la béatitude. Impossibilité de l'obtenir par les forces naturelles. Nécessité de la grâce et des bonnes actions. La béatitude est un désir naturel. 1. L'homme peut-il acquérir la béatitude? Un être qui comprend par son intelligence le bien universel et parfait, qui le désire par sa volonté, est certainement capable de le recevoir et de le posséder, tel est l'homme. La même vérité ressort de ce qui a été démontré dans la première partie de cet ouvrage, question 12, 1, où nous avons vu que nous pouvons parvenir à la vision de l'essence divine, en quoi consiste la béatitude. Note. On dira peut-être qu'il est dans notre nature de connaître la vérité intelligible par des images sensibles. Dans le cours de la vie présente, cela est vrai, mais, dans l'état futur, il nous sera tout aussi naturel de la connaître d'une autre manière, ce sera la béatitude. Fin de la note. 2. La béatitude peut-elle être plus grande dans l'un que dans l'autre? La béatitude renferme deux choses, la fin dernière, qui est le souverain bien, et la jouissance de ce bien. Quant au bien lui-même, objet et cause de la béatitude, il n'y a qu'un seul souverain bien, qui est Dieu, et, sous ce rapport, une béatitude n'est pas supérieure à une autre, mais, relativement à la jouissance de ce bien, il arrive que celui qui est mieux disposé jouit de Dieu plus parfaitement, et alors il y a inégalité dans la béatitude. Note. Il est écrit en Saint Jean, 14, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et en Saint Matthieu, 20, tous ceux qui avaient travaillé à la vigne reçurent chacun un denier. » Le moyen d'accorder ces deux textes des saints évangiles, le voici, l'unité du denier indique l'unité objective de la béatitude, et la diversité des demeures marque les divers degrés de jouissance dans la béatitude, où les rangs sont gradués d'après nos mérites. Aucun bienheureux ne manque du bien qu'il désire, tous possèdent le bien infini, qui est le bien par excellence, mais un saint est plus heureux qu'un autre, parce que tous ne participent pas à ce bien suprême selon un même degré de jouissance. Fin de la note. 3. L'homme peut-il avoir la béatitude dans cette vie? La vraie béatitude n'existe point en ce monde, car, premièrement, elle exclut tous les maux, comble tous les désirs, suffit à tout. Or, pour nous servir des paroles de Job, 14, 1, l'homme né de la femme vit peu de temps, et sa vie est remplie de misère. Qu'on nous montre, en effet, une personne absolument exempte de maux. À combien de misères la vie n'est-elle pas sujette? Ignorance de l'esprit, affection déréglée de la volonté, souffrance du corps, tout cela nous atteste que l'homme ne peut être heureux ici-bas. Et puis, qui comblera, sur ces terres, le désir du bonheur que nous trouvons en nous? Nous voulons de la stabilité et de la permanence dans les biens que nous possédons, et tous ceux d'ici-bas sont passagers. Nous avons horreur de la mort, nous voudrions vivre toujours, et cependant la vie s'écoule avec rapidité. En second lieu, la vraie béatitude consiste dans la vision de l'essence divine, dont on ne jouit jamais en cette vie. Conséquemment, on ne peut posséder ici-bas qu'une certaine participation, une image, un reflet de la béatitude véritable. Certains hommes, ici-bas, sont appelés bienheureux tant à cause de l'espérance qu'ils ont d'obtenir la béatitude dans la vie future, ce que nous marquent ces paroles, Romains 8, c'est par l'espérance que nous sommes sauvés, qu'à raison d'une sorte de participation à la vraie béatitude, qui leur donne un avant-goût du bien suprême. De là ce que chantait le psalmiste, bienheureux ceux qui restent sans tache dans la voie, et qui marchent avec fidélité dans la loi du Seigneur. Psaume 118, 1. 4. Peut-on perdre la béatitude quand on la possède? Nous lisons dans Saint Matthieu 25, 46, les justes iront à la vie éternelle, ce qui est éternel ne pouvant finir. L'homme qui possède la béatitude des saints ne saurait la perdre. L'opinion d'Origène, qui a supposé qu'après être arrivé à la souveraine béatitude, l'homme pouvait redevenir malheureux, est complètement fausse. La béatitude, comme bien parfaitement suffisant, calme tous les désirs, exclut tous les maux. Or, on désire naturellement garder le bien que l'on possède, chacun veut même avoir l'assurance de le conserver toujours, autrement la crainte, et plus encore la certitude de le perdre, est une source de tristesse. La véritable béatitude exige, conséquemment, que l'homme ait la pleine conviction qu'il ne perdra jamais le bien qui fait son bonheur. Et c'est une preuve qu'il ne le perdra pas, car si cette conviction est fondée, son bonheur est assuré. Si elle ne l'est pas, il a une opinion erronée qui est un mal pour son intelligence, et, dès lors, il n'y a pas de véritable béatitude pour lui, puisque sa fausse opinion est chez lui un mal. De plus, la béatitude consiste dans la vision de l'essence divine. Or, il n'est pas possible que celui qui voit l'essence divine veuille cesser de la voir, car, dès qu'on veut renoncer au bien que l'on possède, c'est tout parce qu'il est insuffisant, afin de lui en substituer un meilleur, ou parce qu'il est devenu à charge par les inconvénients qu'il présente. Mais la vision de l'essence divine remplit l'âme de tous les biens, en l'unissant à la source de toute bonté. De là cette exclamation du psalmiste, « Je me rassasirai quand votre gloire m'aura apparu. » Psaume 16, 15. Il est bien permis de lui appliquer ce qui est dit de la sagesse. 7, 11. Tous les biens me sont venus avec elle. Sa conversation n'a rien d'amer et sa compagnie rien d'ennuyeux. 8, 16. On voit que celui qui est admis à la béatitude ne la quittera pas par sa volonté. Dieu ne peut pas non plus la lui retirer, ce serait le punir. Dieu, qui est un juge plein d'équité, ne punit quelqu'un que pour des fautes commises, et les fautes sont impossibles dans celui qui voit l'essence divine, la droiture de la volonté étant une conséquence de cette vision. Quel autre agent pourrait porter atteinte à la béatitude d'une âme qui, par son union avec Dieu, est élevée au-dessus de la nature? Il est clair, par toutes ces raisons, que nulle vicissitude ne feront passer l'homme de la béatitude à un état inférieur. 5. L'homme peut-il acquérir la béatitude par ses forces naturelles? L'œil n'a pas vu, dit saint Paul, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur de l'homme n'a pas compris ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Ces paroles nous enseignent avec clarté que la béatitude promise aux élus surpasse la portée de notre intelligence et les forces de notre volonté. La vision de l'essence divine, qui la constitue, n'est pas seulement au-dessus de la nature de l'homme, elle est au-dessus de toute nature créée. Une simple observation va le faire comprendre. Toute intelligence connaît suivant le mode de sa substance, or, Toute connaissance acquise selon le mode d'une substance créée est évidemment incapable de donner la vision d'une essence qui surpasse toutes les créatures. Il n'y a pas à s'étonner, on le voit, que ni l'homme, ni aucune créature, ne puisse parvenir à la béatitude par ses forces naturelles. Quoi ? Demandera quelqu'un, la nature a-t-elle jamais fait défaut dans les choses nécessaires ? Et qu'y a-t-il de plus nécessaire à l'homme que les moyens d'arriver à la fin dernière ? Nous demandons, à notre tour, si la nature nous a fait défaut dans les choses nécessaires, quand elle ne nous a donné ni armes, ni vêtements, comme aux autres animaux. Non, nous répondons, puisqu'elle nous a donné la raison et les bras pour nous procurer toutes ces choses. De même, quoiqu'elle n'ait pas donné à l'homme un principe capable de le faire arriver de lui-même à la béatitude, elle ne lui a cependant pas fait défaut en ce qui lui est nécessaire, car elle lui a donné le libre arbitre par lequel il peut se tourner vers Dieu comme vers un ami, pour implorer son secours. Ce que nous pouvons par un ami, nous le pouvons en quelque sorte par nous-mêmes. 6. L'homme acquiert-il la béatitude par l'action de quelque créature supérieure ? Toutes les fois qu'il nous faut faire une chose qui est au-dessus de la nature, il est nécessaire que le suprême agent intervienne et qu'il agisse immédiatement par lui-même. La béatitude étant un bien qui surpasse la nature créée, nous la tenons de Dieu, et non pas d'une créature quelle qu'elle soit. Celui qui donne la grâce et la béatitude, c'est Dieu seul. Psaume 83. Note. Les anges nous aident à parvenir à notre fin dernière en nous y disposant et en nous en préparant les voies, mais, en réalité, nous n'y arrivons que par la grâce divine. Fin de la note. 7. Y a-t-il des bonnes œuvres requises pour obtenir de Dieu la béatitude ? Certaines œuvres sont indispensables pour arriver à la béatitude, ainsi que nous le marquent ces paroles de l'apôtre Saint Jean. 13. Si vous savez ces choses et que vous les accomplissiez, vous serez bien heureux. Que la droiture de la volonté soit nécessaire à la fin dernière comme la bonne disposition de la matière est nécessaire à la forme, cela, nous en convenons, ne prouve pas rigoureusement qu'une opération de l'homme doive nécessairement précéder sa propre béatitude, car Dieu, qui produit quelquefois en même temps la matière et la forme de ses créatures, aurait pu mettre la volonté humaine dans un rapport immédiat avec la fin dernière. La divine sagesse n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Dieu possède par nature le bien parfait, lui seul n'a pas besoin d'y parvenir par une œuvre quelconque. Mais la béatitude surpassant les natures créées, il ne convenait pas qu'aucune l'obtînt sans faire un effort. Les anges y sont parvenus par un seul acte, par un seul mouvement de leur volonté, tel a été l'ordre de la sagesse divine. Les hommes n'y arrivent que par plusieurs œuvres ou opérations auxquelles on donne le nom de mérite. Le philosophe lui-même disait, « La béatitude est la récompense des actes vertueux. » Note. La puissance divine, sans doute, pouvait béatifier l'homme au moment de la création, sans exiger aucune action humaine. C'est ce qui a eu lieu pour le Christ, dont l'âme a été bienheureuse dès le commencement de sa conception, sans qu'elle ait fait antérieurement aucune action méritoire, mais ce privilège, fondé sur la loi générale en vertu de laquelle Dieu produisit à l'état parfait les premières créatures qu'il chargeait de perpétuer leur nature en la transmettant à d'autres, ne pouvait appartenir qu'à celui qui devait transmettre aux autres hommes la béatitude, en introduisant après lui une foule d'enfants dans la gloire. Hébreux 11, 10. Les enfants baptisés ont eux-mêmes des mérites qui précèdent la béatitude, à savoir les mérites de Jésus-Christ, dont ils deviennent les membres par le baptême. Fin de la note. 8. Tous les hommes désirent-ils la béatitude? Tous les hommes désirent la béatitude en tant que, considérée dans sa nature générale, elle est un bien parfait qui donne une complète satisfaction à la volonté, car tout le monde veut voir sa volonté pleinement satisfaite. Si, au théâtre, un acteur disait « Vous voulez tous être heureux et vous ne voulez pas être malheureux », il dirait une chose dont tout le monde conviendrait, c'est la remarque que fait saint Augustin, pour prouver que tous les hommes veulent être heureux. Tous, en effet, désirent naturellement le bien parfait et universel qui est l'essence de la béatitude en général. Mais viennent-ils à considérer la béatitude dans sa nature spéciale, dans l'objet qui la constitue? C'est alors qu'ils se divisent et ne veulent pas tous la vraie béatitude, qu'ils ne connaissent pas. Ne sachant pas à quel objet il convient d'appliquer l'idée générale qu'ils en ont, les uns la cherchent dans les plaisirs du corps, les autres dans la vertu de l'âme, d'autres ailleurs. De là il résulte que la volonté ne se porte pas nécessairement vers celle qui consiste dans la vision surnaturelle de l'essence divine. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.